Selon le journal d'internet sud-coréen Tongilius, les formations civiles et sociales, comme la direction sud de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie, ont organisé le 27 juin un rassemblement d'urgence devant l'ambassade américaine à Séoul pour accuser la servilité des autorités sud-coréennes à l'égard des États-Unis.